Ouais. Classique comme une paire de Nike. Attends, je récupère le mic. Je suis full frozen, Cali Blight. Si tu c'est sûr que je vais leur mettre le strike. Strike, la mentale est du toupé. Ça part comme de la machine pas coupée. T'as vu là, je suis dans la belle groupée. Merci les roses, ce qu'on va douter. Ouais, je prends pipi dans le sauna. J'ai investi plus qu'une Daytona. Que ça veut, c'est ce qu'on a. Là, je suis en feu, comme le fan. Réjorte ton biggie, je fais que du sale. Tu flacques ton délit. Tu testes ton bousy, on te fort contre banni. De côté, j'ai du lourd, demande à soldat Kili. Biggie, en caillasse, la police, les balances sont punis. On les met dans la cave et on les tabasse, c'est horrible. On t'arrange, tu allonges la mallette, la valise. Si tu payes pas, attends dans ta voiture, on te carbonise. Fais le malin, fais le malade, fais le canard, fais le zona, fais la malade. C'est mes amis qui te feront dans le dinoir. Tu nous verras, tu nous verras, tu mourras. On laissera pas de preuves, on t'allumera sa folie loi, on est des bandits. Je représente tous les chiens de la casse. Tous les chiens de la casse. Je voulais remplir mes murs disque d'or, mais j'ai pas la place. Et je voulais faire le tour de la classe. Ils font pas le quart quand t'as fait, ils veulent ma place. Si ça rafale, ça débite. Ce qui te tue, c'est les potes. Et ce qui jalouse, c'est les putes. C'est quoi cette putain d'époque? Je les épate, coup de batte. On suit pas, on suce pas. Goodbye, good night. C'est quoi cette putain d'époque? Je porte un calibre à la taille comme une montre au poignet. Je te parle pas de ménage quand je te dis je nettoyais. On a surfé sur la vague où certains se sont noyés. La promenade devient une casse, trop de crâne se font broyer. Je suis la frappe de Nador, bah la frappe comme Albator. Si j'avoue jamais mes torts, c'est parce que je n'en ai pas. Avant de parler, agis d'abord. On te gifle si t'es pas d'accord. Si on t'avoue la corde, c'est pour t'attacher avec. J'ai des armes, si t'as des pecs, les doux peuvent faire tomber des armoires. Je contrôle la mort, c'est pour ça que j'ai le regard noir. T'es plein d'histoires, je vais finir par t'appeler Père Castor. Zama va tromper petit guetteur, mais toi la feu et castor. Oh, je vois rouge sous l'édita. J'arrive en T-Max guité. Rafale dans l'habitacle. La terre plusieurs l'ont. On arrive foncé. On va niquer le game. Choquer, choquer le rap français. Ta bitch la faire danser. La baiser, la faire pioncer. Finir et recommencer. Fais pas le fou, on va tarder. Sans personne dans leur quartier. J'peux pas mourir comme Biggie ou comme Tupac Amaru. Oh mon Andalouse. Tous ils sont jaloux. Sans pression comme Vénissus. Y'a trop de gars, il faut un bus. Tout le monde me dit t'abuses. Je leur réponds, il me faut une russe. Elle veut du Veneta, l'Europiana, la poupetta. Mais bon, je suis trop pété. Je m'endors sur son gros terrain. Ça critique vers la droite, ça critique vers la gauche. Ils ont qu'à se mettre des doigts. Je pense qu'à remplir ma sacoche. Marseillais comme la L2, la A7, la 55. On est 152. Imagine si tu nous feintes. Là il me faut 400 plaques. Sans prendre le reste 400 plaques. On arrive en équipe. Le prochain on est 404. Sur le booster on est 400 casques. On les braque sans masque. C'est Marseille bébé. T'es bonne je te fais un bébé. J'ai des armes scellées par les keufs mais j'ai payé mon avocat avec de la VG. Sur la vie de ma mère. Et de but en blanc. Poto on est but en blanc. La photo c'est le 13. Toujours en équipe sans gants. On les braque sans cagoule sans gants. La putain de sa mère. C'est Marseille bébé. T'es bonne je te fais un bébé. J'ai des armes scellées par les keufs mais j'ai payé mon avocat avec de la VG. Un jour ou l'autre on t'aura. On te refasse le sport terre comme dans Gomorra. Maman j'ai plus un sec, pas de sauce à mora. Marseille c'est la mafia, un droit à la Camorra. Avec toi on coupe les pensées définitives. Je rêve pas de gros cul, je rêve d'infinitif. Elle a des gros seins, cache ça dans ton soutif. Elle est trop matrixée, un peu comme Trinity. Tu veux ma vie, prends tout ce qu'il y a avec. J'en veux pas, je te la donne. Retour de Londres, t'es revenu avec 50 grammes. On dirait que t'as fait passer la tonne. Quand t'as rien dans le pécule, pas de parloir, c'est pas de l'eau la tolle. Quand t'es dedans, tout le monde tourne le dos. Et ta gars, tu fais sa folle. Capitale de la drogue, drogue, drogue, yes. Du frozen que ça smoke, smoke, smoke, yes. C'est le new très organisé. N'essaie pas de nous rivaliser. Les pompiers si on vient en gros, c'est game. C'est comme ça, c'est la cité. R6 plaque et Pologne. Fais le bolide étalement. Dans tous les jazz, ça charbonne. On se fait plaisir après le fait. Allons-y, oui, ça m'a celui qui brosse. Un 3-5-7 piton, pas de cobra. Tout dans la tête, fiston, pas de gros bras. Tu te colles de partout, tu donnes ton cul. RK sur RK, j'ai dans le potra. Sécuritas dans le Porsche, pas de mental. Ça trouve des corps chez nous, pas de vandame. Ça passe à ta mort, y'a pas de renta. Et quand t'es par terre, y'a pas de mandat. C'est le 13 organes électrique. On va te niquer, toi et tes pics. Des pics à goût levé, c'est pratique. La prod, je la lève, je la clique. Pour tous les cafards postés dans le bloc. Ça fout des mini Uzi dans le froc. Pour tous les quartiers où y'a la frappe. Nous c'est le 13 et on est dans le truc. Dans le garçon des boules, dans le chargeur des balles. Y'a Heja des boules, y'a les keufs d'étale. Marseille, Tanger, Malaga. Rotter, Alger, Haraka. J'détaille, j'détale, j'ai la dalle. Chargé, Arai, Bekango. Air Max, T-Max, j'démarre fort. Pull crash, nique tout et mon gros. Organisé comme des bros. Des solos, on est trop. On a fait des baies dans la zone. On a tout niqué pour la somme. On a esquivé les matons. organisé. Personne va nous canaliser. L'âme aiguisée, souris comme à des busy. Tu vas souffrir selon les organes visés. Fais attention à ton intonation. T'es une salope, y'a pas d'autre appellation. T'es bon qu'à parler, t'as jamais fait l'action. Ils sont pas doux en rap, ils sont doux en fellation. Tester, vaut mieux éviter sans hésiter. J'suis venu viser les points vitaux. J'ai vu tomber la neige en été. J'vois défiler les chiennes, à croire j'suis un veto. Appelle le GCCT. On arrive, commence à t'inquiéter. Toi, tu pars de la rue comme si t'étais. La nuit, j'entends chuchoter les métaux. En GTS Panamera. Dans le ghetto, à la paix se fait rare. Nique aujourd'hui, demain on verra. J'ai coffré les albums dans les terras. Ça passe à l'acte, ça colle, ça appuie. Tout le monde sur tes côtes quand t'as le terrain. Un peu de love, ça fait le beau temps, la pluie. Fais pas confiance, fais pas l'erreur. J'suis pas de ces bâtards là qui couraient. Plein de phrases à 20k quand c'est bourré. Mental en acier, j'réfléchis trois fois. Sur un coup de nerf, j'allais mourir. Allumé, allumé, allumé. C'est la loi de la gêne, tu te fais allumer. Y'a trop de traîtres et de folles. En effet, Marseille, oui, tu le sais, gros, c'est animé. Yeah. Faut le cash pour le riad à Akesh. C'est pour ça que l'instru je la saccage. Ils sont moches comme des mecs qui ont vendu la mèche. Nous on va la mettre même si on a 10 dans la cage. Un 10 pour la route qui nous peut. Un 10 en bas de vos écrans y'en a pas. On fait bande à part avec l'argent qu'on a pas. Et le talent qu'on a pas. Dos à dos comme Kappa. Cela on va sauver la copa. Intégrer le Gotha, la prod nous met coupable avant que le coup part. La cagoule est noire comme les gants, tellement je bombarde, je vais me faire flasher. Ne donne pas trop tes plans aux gens, en équipe ils viendront pour t'éclater. C'est que du business, je te fais pas confiance. Reste-moi, tu vas voir, je fais pas que chanter. Le regard est noir comme les vies teintées. De 80 sur la route d'Alicante. Roum, roum, t'entends que le moteur. Je l'éclate tellement fort qu'elle veut pas me lâcher. Boum, boum, juste en bas de la tête. Celui qui sort est revenu pour manger. La mise elle a pas trouvé le prince charmant. C'est mes rats de la tête qui vont t'aborder. De Lyon à Marseille, c'est la même. Rengaine, des gaines noires dans le noir pour le score. Le cœur est black, dans la selle, hal et puis les blocs. J'finis le taf, j'ai repris ça le matin. Gros, j'vais pas t'apprendre tous les codes. C'est paire de gants et c'est paire d'oclés. Quand tu parles, faut en faire autant. T'as fauté, ça va pas te rater. Y'a des uns qui parlent pas à flanc. Pas quitter le ghetto, y'a un tas de rouleaux sous ses lots. Nique mes absents sous seul et dans je compte du vert du yellow. Les gros, c'est gérer les bagailles. Y'a des peu bons des libéraux. Faut pas jouer les fêlés. Ça va te mettre la coupe au carré dans la ville du ballon rond. Moi c'est Lidia Prod, mais comme Marley, je te fais un petit pain. Virage des PV, vélodrome chaud comme volcan. Si je fais ça, c'est pour la maman. Si tu veux faire le bonhomme, tu prends le souffle d'Hiroshima. Et j'arrive à l'abordage avec l'équipage. Dans l'instru, dans le découpage. Lidia l'ovni est sur zéro départ. Sur une scène, moi j'ai pas le trac. T'es pas concentré, on te rattrape. Je crois en Dieu et son karma. Rebelle comme Che Guevara. Pour les petites de Stacassège à la Pointa. J'ai bien le bonjour, c'est la cam qu'on vend. Ici, Bumpy Johnson normal, j'suis busy. J'suis un gun con normal, j'l'ai bousy. En Prada sur la chaussée, un coup de fil et bientôt un petit vient te chasser hein. Comme à l'époque des croisades, tu te manges un KO quand la lune est en croissant. T'as déjà mais vu ça depuis Jack Mess. Un pétard qui provient de Bucarest. Un négro connu pour des fédards. Des salopes qui nous font les fidèles Castro. Et y'en a des tonnes et des tonnes. Toi je vois que tu portes une détonne, je doute. Je les vois tous cavaler quand ça détonne. Je les ai vus avaler, qui ça étonne. C'est Marseille ta grand-mère. Ça fait du sale, ça maîtrise pas la grammaire. J'suis dans soucis, j'sers les camés. Cette pute c'est la fraîche, la compte sache à ta mère. Wesh bébé, j'aime faire 6 chiffres, c'est les bingo. Marseille bébé, on blague pas avec les gringos. La plus belle, j'l'avance, j'suis rapta sur l'allée. J'mets la première et en d'aller. J'suis dans les îles sous Bob Marley. J'suis dans les îles sous Bob Marley. C'est Marseille en bebon. Madame veut tester le pepon. Elle veut élever Gucci. Mais je vais finir dans le deton. On arrive en travers dans le gap matchique. Ils ont du mal à respirer comme des asthmatiques. On change pas l'équipe, toujours la même tactique. On poste sur le terrain avec un joint statique. Y'a pas de balle factice, que ça pactise. Pas sûr que tu t'en tireras. Ce n'est pas dit que le plus fort durera. Ça te retrouvera même caché dans le Jura. On est cramé comme la plaque de tâche. Pour la plata, gros les petits t'attachent. Ils sont déterminés, tu leur parles pas d'âge. Non poteau, y'a plus de place pour le partage. Ce n'est pas la même pour tous. On sait que pour les nôtres, ils ont un peu d'estime. Un jour ou l'autre, poteau, tous payent. Comme ceux qui font subir à la Palestine. La rue c'est pas C8, ça veut tout contrôler comme le G8. Tu fais rien pour ta mère mais tu claques pour ta pute qui consomme plus qu'un 4 litres de V8. J'sais que les hommes de parole ça court pas les rues. Quand je te parle c'est sincère, je ne joue pas de rôle. Tu peux le faire pour toi même si ça paraît rude. Ta mère des fils de pute ne verse pas les rôles. Marseille, c'est le ralliement, c'est les gars d'ici qui flambent. C'est les bâtiments, c'est les grandes baraques, c'est le petit bar qui fait l'angle. Les diables qui jouent les anges, ça fleurit sous les lampes, c'est trop inné. On arrose les pieds de la skunk à l'eau du robinet. J'serai le gominé en ston hiver, on peut tous. Ça va pas se livrer, ça prolifère. Rouge dans les yeux, sous le conifère. Que des crotiques et j'baisse des travailleuses. Et dans l'ivresse, le feu sous les doigts. On love la vitesse et on secoue les boîtes. Ça va mettre les voiles si ça pue la friteuse. Quand tu dis genou, ça resserre en ligne droite.